pas là papa par hasard. Laisse-moi l'un des papas paradis. Je fais la route au volant d'une Jaguar. À chaque fois que j'accélère, elle demande à boire. Bienvenue à bord, soleil playa. Scooter volé, les petits foutent le faya. Te casse pas la tête, moi je te représente. Tu sens en prison, à l'hôpital, au foyer. La race d'étale, mon cœur, il a plus de pétales. Te manque pas trop, parce qu'il y a le métal. J'aime pas ce qu'ils racontent, leur vie s'étale. Vas-y, décale. Raconte de day, day, day. Intro Marseille, genre du béton. J'ai pété pour aussi embêtant. Je me relève et tout, tranquille en détente. J'entends que ça porte des boules et pas tout pétant. Qu'est-ce qui se passe au catalan? Père maillot, toi en la catalane. Des gens ils me connaissent pas et ils me cataloguent. Envie de leur sortir le katana. Va dire à celui qui te fait des poussettes sur moi. Parce que s'il a un problème, je pisse au cul. J'entends plus rien là, j'suis dans la soucoupe. J'suis plus de bio, le sang pour moi il s'occupe. Moi j'ai ma team. J'aurais de platine, gros, y'a pas de sec. J'compte pas quand j'donne, j'compte pas ma thune. Mon sang, j'la comptais même pas quand j'étais à sec. J'veux me faire discret, j'me fais sniper. J'passe pas incognito, tu me vois gentil, j'pourrais me fighter. J'suis dans mon coin, j'suis pas le mytho. La team du LZ, on va leur mettre profond, c'est con. Sindoul pour le plan séquence. T'es pas, tu connais les conséquences. Le bon Dieu, il voit tout. J'sais que du bien, vu que j'sais que du bien, j'reçois que du bien. J'sais que si demain j'ai besoin, t'es pas là. Donc dis pas aux gens que t'es bien avec Julien. J'm'en fous de ce que tu dis et ce que tu disais. Mon sang, tu vaux pas 10 ans. J'suis bien dans mon cœur 10 ans. Depuis que je suis devenu 10 ans. C'est pour les bons, pas pour les vicieux. Ne fais pas ton vice, on va te dévisser. Avec moi ils jouent des rôles, ils sont déguisés. Ils me font sortir les dents aiguisées.